Chapitre 2. Aurore Lescure. Pourquoi montais-je dans la petite torpedo du docteur Alburtin pour retourner à Cassis? Pourquoi fis-je astucieusement en sorte que Madame de Ricourt prit place avec Luce dans la turbo, sur la promesse de Géo qu'il ne dépasserait pas le 30 à l'heure? Ma rancune latente du jugement dédaigneux porté par Luce sur l'astronaute américaine dut provoquer ma détermination, et aussi le sentiment subconscient d'être plus en sympathie avec Alburtin et le secret espoir de continuer l'entretien sur la fusée. Mais j'invoquais plaisamment pour motif que je ne voulais pas faire affront au docteur en paraissant mépriser sa modeste C6. Quoi qu'il en soit, cette décision que je pris sur le seuil de l'hôtel de la plage, aux ruines de Toron-en-Tom, eut, je le répète, une influence capitale sur mon avenir, et influa aussi notablement sur le sort du monde civilisé. Si je croyais à la métapsychique, je verrais sans doute une prémonition occulte dans cette conversation que nous venions d'avoir et dans l'image d'Aurore Lescure qui hantait mon esprit. Mais je n'y crois pas, et à la froidement analysée, la coïncidence fut toute naturelle. Les journaux avaient annoncé pour aujourd'hui l'envol de la fusée interplanétaire. En cette même heure, par toute la France, par toute l'Europe et l'Amérique, par toute la Terre, des centaines de milliers d'hommes et de femmes devaient songer à l'héroïne et s'entretenir de son exploit. La seule différence qu'il y eut entre moi et les autres, c'est que je la vis atterrir. La fusée, diront les mathématiciens, avait autant de probabilités pour retomber au pôle Nord ou dans le désert de Gobi. Simple jeu théorique, car si elle était retombée ailleurs, il ne se serait plus agi de l'ordre de fait que nous vivons. Je préfère croire au destin. Dans l'univers réel, dont fait partie ma destinée, Aurore Lescure devait, inévitablement, prendre terre en un point déterminé, et je devais aussi nécessairement passer par là au même moment. En vérité, ce fut tout simple et naturel, encore que merveilleux. Cela se passa si rapidement que nous eûmes à peine le temps de comprendre, Alburtin et moi. Il était 5 heures du soir. Le soleil avait disparu derrière les crêtes calcaires de la pittoresque gorge que nous remontions sans hâte, mais il faisait encore grand jour. Depuis 10 minutes, dès la sortie de la Ciotat et le début de la côte, l'ami Géo s'était offert le facile plaisir de nous gratter par un démarrage foudroyant de sa turbo, et les Ricourt devaient, à 7 heures, être arrivés à Cassis et à l'hôtel Cendrillon, où je les retrouverai au dîner. Nous étions en vue du col de Bellefille, où bifurquent les deux routes, celle sur Aubagne et celle sur Cassis, lorsqu'une lueur perçue au coin de l'œil me fit relever la tête. Une traînée de feu rouge, comme la trace d'un bolide, mais qui ralentissait en tombant tout droit du zénith. Un fusement strident, la lueur s'éteignit, le bruit cessa, et dans l'azur clair, on vit une forme flasque et indéterminée, en chute rapide suivant la verticale. « Un avion, m'écriai-je, un avion qui a pris feu et qui tombe !» 2 secondes, Alburtin, les mains au volant, quitta la route des yeux. « Drôle d'avion, opina-t-il. Un dirigeable, plutôt ?» La distance et, par conséquent, la grandeur de l'objet ne pouvaient s'apprécier encore. Dans le soleil oblique, la forme flasque de l'instant précédent avait pris l'aspect net d'un ovale allongé, le profil jaunâtre d'un semi-rigide. Mais au-dessus, suspendu à d'invisibles filins, étincelait une chose de métal. Cela descendait non plus en chute libre, mais avec une lenteur régulière, juste devant nous, sur l'éperon de collines boisées qui séparent les deux routes. Je crus comprendre, et je m'écriai. Une descente en parachute. L'avion a pris feu et le pilote s'est jeté. Arrivé à la bifurcation, l'auto s'était suffisamment rapproché de l'objet aérien pour que l'on pût discerner ses dimensions et sa nature. Ce n'était pas au loin un grand dirigeable, mais assez près, un vaste parachute de tissu jaune, supportant une nacelle brillante comme de l'aluminium. Qu'est-ce que ça ? Fit perplexe Alburtin en stoppant au pied de la borne indicatrice. Un trouble singulier m'envahit. Mon cœur battait avec violence. mais je n'osais encore comprendre. Le parachute me déroutait. À 150 mètres de nous, à distance égale entre les deux routes, avec un froissement de rameaux et de branches, la cabine métallique s'enfonça dans les pins et la brousse. On perçut un choc et un bruit de verre cassé, tandis que le parachute s'étalait mollement sur les cimes des arbres. « Vous venez ? » fis-je impatiemment. « Minute !» Mon compagnon remit la voiture en marche, la rangea 50 mètres plus loin sur le bord de la route, à l'orée du bois, arrêta le moteur et verrouilla l'allumage. J'avais sauté à terre, prêtant l'oreille. La brise du soir se levait, dans le grand silence de ces vallons sans oiseaux, sans aucun son humain, aucun cri d'appel. Une angoisse profonde, dépassant de loin l'inquiétude que l'on peut éprouver pour un inconnu en danger, m'étreignait la poitrine. À travers les buissons de cistes roussis, de bruyères en feu et de chênes kermès, je fonçais droit vers le point repéré par le vilain jaune et festonné du parachute, sans souci des ajoncs et des touchèvres aux épines acérées, me griffant les mains et les jambes à travers mon pantalon de toile. Le gros alburtin s'essoufflait derrière moi. Enfin, parmi la brousse, je discernais un éclair de métal et, quelques enjambées plus loin, une espèce d'obus énorme, renversé presque plat, sur une saillie de rochers. Un obus ? Non, la fusée interplanétaire ! Car elle s'imposait à moi, l'évocation que tantôt je rejetais comme démente et absurde. Je reconnaissais le véhicule ogival, vu tant de fois sur l'écran, avec Aurore Lescure me souriant, une main sur le verrou de la porte hublot. Cette porte, ce trou d'homme, je l'avais là devant moi, mais hermétiquement clos par les écrous et les joints d'une fermeture blanche qui la dessinait sur la paroi, presque au plus haut du gros cylindre couché. Comme il n'y a pas encore au monde deux fusées astronautiques en service, c'était indubitablement celle du professeur Oswald Lescure, parti de Columbus, Missouri, aujourd'hui même. À l'intérieur se trouvait Aurore Lescure, ou son cadavre. Un examen rapide de l'obus me montra que la saillie de rocher sur laquelle il reposait avait crevé un petit hublot rond. Je me baissai pour tenter de voir à l'intérieur, mais il n'y avait pas assez d'espace entre la pointe calcaire et les éclats de glace brisée. Il s'en échappait une inquiétante odeur de produits chimiques. Je me redressai en criant. « Vite, Alburtin, elle asphyxie ! Aidez-moi à ouvrir la porte !» Et je saisis, pour la dévisser, l'une des deux poignées encastrées dans les cavités, sur la plaque de fermeture du trou d'homme. Une inscription en deux langues, anglais et français, surmontée du drapeau américain et des initiales MG-17, premier voyage à la Lune, indiquait « Pour ouvrir, tournez la poignée dans le sens de la flèche. » « On a prévu l'atterrissage brusqué, » fit Alburtin qui arrivait tout à l'autant. Et il manœuvra la seconde poignée. Un déclic, la plaque ronde libérée se rabattit sur ses charnières et une entrée béat d'environ 50 centimètres de diamètre. Avidement, je me penchai, entrevis une forme humaine affaissée sur un tableau de distribution. La figure était tournée par en bas, on ne voyait que la calotte du serre-tête de cuir. « Je suis plus mince que vous, docteur, déclarai-je, et il n'y a pas place pour deux. » D'un rétablissement, je m'introduisis dans l'obus, non sans peine. La cabine de pilotage, excessivement petite, était encombrée d'un tas de leviers et d'appareils où je n'osais m'accrocher, et je faillis poser le pied sur la main de la jeune fille qui serrait encore une manette. Malgré les deux ouvertures, du trou d'homme et du hublot crevé, l'air intérieur était chargé d'une odeur âcre, étouffante. Je serrai les mâchoires dans un vertige de rage. Si elle était morte. « Attention, docteur, je vous la passe !» Dégageant les doigts crispés sur la poignée d'ébonite, je soulevai par la taille le corps inerte, dont je sentis avec une onde de joie la tiédeur rassurante à travers le vêtement de cuir, et le soulevai en vrac vers l'ouverture. Avec sa dextérité professionnelle, Alburtin sortit d'abord les deux bras pendants, puis attrapa la jeune fille aux aisselles et la hala par le trou, tandis que je suivais le mouvement, la tenant aux hanches. Je ne m'étais pas encore dégagé qu'il l'avait étendue à terre sur un espace à peu près dépourvu de cailloux et tapissait d'aiguilles de pin. Et, s'agenouillant, diagnostiquait. Pas de blessure apparente, simple syncope. Nous ne la transportons pas tout de suite à la voiture ? Demandai-je un peu moins inquiet. Il vaut mieux rétablir la respiration d'abord. Quelques mouvements rythmiques. Et si cela ne suffit pas, vous m'aiderez à faire des tractions de la langue. Débarrassant de son serre-tête la jeune fille évanouie et dégrafant le haut de sa combinaison fourrée, il se mit à lui soulever, à baisser les bras, en cadence. Le visage, dans l'ébouriffement bouclé des cheveux à cajou sombre, coupé mi-long, prenait la délicatesse d'un médaillon de cire, où un reste de rouge aux lèvres pouvait dénoter la coquetterie féminine, aussi bien que la chaleur de la vie dont je guettais avidement le retour. Je songeais à un roman de Wells, La merveilleuse visite, dans lequel un ange se matérialise, sorti de la quatrième dimension. La même merveille ici se réalisait. L'ange astronaute avait quitté, pour l'existence réelle, le domaine fallacieux de l'écran. Et j'éprouvais une joie tremblante à reconnaître, sur ce visage en relief, à incarner trait par trait, et compléter mon horreur lescure en noir et blanc. Ouf, elle respire, dit avec satisfaction Alburtin, en cessant la manœuvre des bras. Et voici qu'elle se ranime. Les paupières battirent, s'ouvrirent au large, et les yeux d'un limpide vert bleu errèrent d'abord vaguement sur la figure du docteur, sur la mienne et sur les ramures des pins. Elle ne vit pas l'obus qui était derrière sa tête. Une lueur de compréhension dans le regard, elle interrogea. « Où suis-je? Est-ce que mon appareil est abîmé ?» Je la savais fille d'une Canadienne française, mais ce n'en fut pas moins une surprise délicieuse de l'entendre s'exprimer en français. Sa voix, très faible encore, avait un timbre clair et pur, enchanteur comme son léger accent, allègre et parfumé d'ancienne France. Absorbée dans mon ravissement, je laissai le docteur lui répondre. « Vous êtes miss dans le sud de la France, entre Marseille et Toulon, à 4 kilomètres de Cassis, où je vais vous transporter dans ma clinique. Je suis le docteur Tancred Alburtin, pour vous servir. Et voici mon ami Gaston Delvar, peintre en renom. Votre appareil, sauf un carreau cassé, ne semble pas avoir trop souffert. Je suppose que nous devrons le laisser où il est, provisoirement, car il doit peser des tonnes. » Le front contracté, elle écoutait avec un effort d'attention qui l'épuisait visiblement. Elle eut peine à répondre. « Non, les réservoirs sont vides. Ils ne pèsent que 400 kilogrammes. S'il vous plaît, messieurs, faites le mettre en sûreté, à l'abri des reporters. Il ne faut pas... Et s'il vous plaît, prenez-y tout de suite la boîte verte où il est marqué météorite et ma valise en peau de porc. Oh, quelle chance, vous n'êtes pas des journalistes. Je vous en prie, empêchez les journalistes de m'interviewer. » Sa voix se perdit dans un murmure indistinct. Elle ferma les paupières et, avec un petit sourire, laissa retomber la tête sur le tapis des aiguilles de pin. Nous vîmes ses traits se décomposer et elle perdit de nouveau connaissance. Alburtin lui prit le pouls et, voyant mon émoi, « Ne vous troublez pas, Delvar, c'était à prévoir. La réaction, elle fait de l'épuisement nerveux. C'est tout naturel après sa séance de pilotage interplanétaire. Mais cette fois-ci, ne la laissons pas ici. Un poids plume. Je vais pouvoir la transporter moi seule à la voiture. Vous occupez-vous de prendre cette boîte verte et la valise qu'elle réclame. L'appareil, trop lourd et trop encombrant pour ma bagnole. Il ne risque pas grand-chose à rester où il est jusqu'à demain matin. On ne le voit pas de la route et il va faire nuit. » Alburtin a transporté gaillardement sur le champ de bataille bien des blessés, plus lourds qu'une frêle jeune fille. Retrouvant sa vigueur et son adresse de jadis, il prit sur ses deux bras le corps inerte et se mit en marche vers la route d'un pas lent mais sûr, sans trébucher malgré le sol caillouteux et encombré de broussailles. Après un instant de révolte, je le laissai accaparer ce précieux fardeau et me résignais à servir autrement la naufragée des espaces. Retournant à l'obus, je plongeais de nouveau dans son atmosphère méphitique et cherchais la boîte verte. Je la découvris, logée vers le haut du dôme, et maintenue par des taquets à ressort. Je la décrochai. Une inscription à l'encre ne laissait aucun doute sur son identité. météorite recueillie dans le vide interplanétaire, entre 1000 et 4000 kilomètres au-dessus de la surface terrestre, ce 15 octobre, de 14h à 14h35. Quant à la valise en peau de porc, elle était à mes pieds, parmi d'autres objets décrochés par la secousse de l'atterrissage, et partie en dérive. Je le ramassais sans me donner la peine d'examiner le reste. Il me tardait de me retrouver auprès de la fille tombée des cieux. Je pris à peine le temps de rabattre sur le trou d'homme la rondelle de métal et de revisser les poignets. La boîte verte d'une main et la valise de l'autre, je m'enfonçai dans la brousse à la poursuite d'Albertin. L'installation dans la voiture ne fut pas aisée. Le docteur regretta fort d'avoir pris, au lieu de sa conduite intérieure professionnelle, sa petite torpedo de promenade. Elle comportait 4 places, mais disposée par baquet individuel, où il était impossible d'allonger, même à demi, la jeune fille sans connaissance. Après quelques essais infructueux, je dus me résoudre à la tenir comme un enfant, mi-étendue, assise sur mes genoux, le torse contre ma poitrine, et la tête dans le creux de mon bras droit calé contre le dossier. Attitude assez incorrecte pour des spectateurs non prévenus. Nous n'en avions que pour 4 kilomètres de descente, mais le crépuscule débutait à peine, et, comme un fait exprès, nous ne croisâmes pas moins de 3 grosses voitures de tourisme, dont les occupants, des étrangers, nous lancèrent au vol des regards surpris, ironiques ou scandalisés, qui disaient clairement « Qu'elles s'en gênent, ces amoureux français !» Seule une connaissance d'Albertin, le grand viticulteur de Cassis, M. Bottin, dont la Renault nous rattrapa vers les premières maisons de la ville, regarda mieux, comprit et, ralentissant, interrogea. « Un accident, docteur ?»« Oui, une malade que j'emmène à ma clinique, » répondit Albertin évasivement. Les virages dangereux de l'entrée de Cassis le dispensèrent d'en dire plus et nous séparèrent de notre questionneur, qui continua par la route de Marseille. Je sus gré à Albertin d'observer la discrétion dont nous avait prié la jeune fille. Il n'eut d'ailleurs pas à dépister d'autres interrogations. Sur les 50 mètres du parcours, la rue droite était déserte, et quand nous arrivâmes à la porte de la clinique, il n'y avait pas un visage humain aux environs. Ces quelques minutes depuis le col de Bellefille avaient passé pour moi comme un rêve, et j'oubliais mon rôle de garde-malade. Cette naufragée des espaces, cet ange matérialisé de l'écran, je la tenais comme une conquête, comme une proie, dans l'ivresse d'un provisoire miraculeux, sans songer que ces instants dussent jamais finir. Je me faisais l'effet d'être moi-même, aussi peu réel qu'un personnage de cinéma, de vivre un épisode de film. Je revins à la réalité quand, l'auto stoppée, Albertin et une nurse me prit des bras mon exaltant fardeau pour le transporter dans la maison. Machinalement, je sautai sur le trottoir et m'apprêtai à les suivre. Mais Albertin, qui marchait à reculons dans le couloir, le premier, portant la jeune fille par la tête, la nurse tenait les pieds, me jeta. « Restez donc à dîner avec nous, Delvar. Ma femme vous tiendra compagnie. Dans 5 minutes, je redescendrai vous donner des nouvelles. » Et tandis que Madame Albertin s'avançait sur le seuil avec un sourire de bienvenue, je dissimulai ma gêne et ma déception en tirant de la voiture la valise en peau de porc et la boîte aux météorites. Vis-à-vis de la doctoresse, dépositaire habituelle des secrets professionnels de la clinique, je ne me sentais pas tenu à la réserve. Et une fois attablé avec elle devant un verre de Porto, sans autre réticence que de taire mes sentiments intimes, je lui confiai l'étonnante rencontre. Mais la dame ne parut pas apprécier comme moi la beauté de l'aventure. En femme pratique et avisée, elle y voyait surtout une aubaine pour son mari, dont le nom allait s'associer, dans les papiers des journalistes, à l'atterrissage de la fusée interplanétaire. Voyons, calcula-t-elle en fixant sur moi ses pensifs yeux noirs. La poste est fermée, il est 7h10, mais nous trouverons bien quelqu'un pour aller jusqu'à Marseille. Votre ami, monsieur de Ricourt, ne vous refuserait pas. Et pour rédiger l'information à la presse, nous avons monsieur Blanc, l'instituteur, qui est correspondant régional du Petit Marseillais. La doctoresse avait un ton si net et si décisif en organisant d'avance sa publicité, que j'en fus presque intimidé. Mais tant pis si je me faisais d'elle une ennemie. la tranquillité d'Aurore avant tout. Je regrette, madame. La principale intéressée, Miss Lescure elle-même, nous a prié instamment de la soustraire à toute interview. Mais elle lèvera peut-être la consigne pour demain, ajoutai-je conciliant. Le docteur va nous le dire. Je n'eus pas à affronter l'orage que je voyais poindre sur la mine de son interlocutrice. Alburtin entrait dans la salle à manger. Et au soupir résigné de sa femme, je sus qu'il était réellement le maître du logis et que sa volonté y faisait la loi. « Et maintenant, à table » cria-t-il. « Delvar, excusez-moi de vous avoir fait attendre, mais j'ai tenu à passer notre miss à la radio. Rien de cassé, pas de déplacement d'organes, pas de fracture ni de lésion visible. C'était bien, comme je le pensais, la fatigue nerveuse qui a causé un second évanouissement. Elle n'en est sortie que pour prononcer quelques phrases et retomber presque aussitôt dans un sommeil réparateur. À 7 heures, elle dort comme une bienheureuse, sous la garde de Madame Narinska, l'infirmière principale. Nous lui laisserons faire le tour du cadran. « Vous ne l'avez donc pas interviewé, docteur ? » demandai-je avec intention, en adressant à sa femme un regard oblique. « Jamais de la vie ? » Elle m'a, premièrement, renouvelé sa prière instante de ne rien dire aux journaux jusqu'à nouvel ordre. Deuxièmement, obligé de prendre une banque-note de $50 pour mes frais, a-t-elle spécifié, et pour le transport de son appareil, dont nous nous occuperons demain, en même temps que du troisièmement, câblé à son père dès l'ouverture du bureau de poste. Pendant le dîner, Madame Alburtin s'efforça de revenir à la charge et prononça insidieusement les noms de Monsieur Blanc et du petit Marseillais. Mais le docteur, avec une autorité calme et sans réplique, lui dicta la version qu'elle aurait à répandre pour satisfaire les curiosités. Un simple accident d'aviation. Cela expliquera aussi le remisage chez moi de l'appareil, qui peut passer à la rigueur pour une sorte d'aéro. Et il fut convenu que j'irais dans la matinée, avec le camionneur local, à Bellefille, chercher l'obus et le parachute. Quant aux Ricourt, si vous les voyez ce soir à votre hôtel, ayez soin de leur servir la même fable. Et l'aviatrice se nomme Aurette Constantin. C'est ainsi qu'elle a signé sur son câblogramme. Le café pris, la doctoresse s'éclipsa pour faire dans la clinique sa tournée réglementaire. D'un ton faussement détaché, Alburtin me proposa. Si nous jetions un coup d'œil sur les météorites de cette fameuse boîte verte que Miss Lescure nous a fait prendre, elle n'y verra sûrement pas d'inconvénient, ajouta-t-il, prévenant ainsi mon objection. Je sentais l'indélicatesse du procédé, mais si la curiosité scientifique poussait Alburtin, j'étais moi-même avide de voir ces précieux météorites rapportés de son expédition par la jeune astronaute. Sans répliquer, je suivis Alburtin qui m'emmena dans son laboratoire. La boîte verte, en métal embouti et laqué, assez pareille à une petite sorbetière, se fermait par un couvercle à douille de baïonnette, sans aucune espèce de secret. Au fond du récipient, une couche de fine granulation noirâtre. Avec une spatule de verre, Alburtin puisa une pincée. C'était peu de chose à l'œil. De la poudre de charbon au grain peu visible. Le docteur me proposa. « Voulez-vous que nous regardions ça ensemble au microscope ?» Je déclinai l'offre. Je ne suis pas un scientifique. Il me suffit d'apprendre, par les explications de mon ami, que cette poussière devait être un échantillon de la matière cosmique qui erre à l'état libre dans les espaces. Échantillon d'un prix inestimable pour la science, car lorsque ces grains sont happés au passage par la Terre comme un vol de moustique, leur frottement sur les couches de l'atmosphère les craque comme des allumettes et les volatilise en étoiles filantes. Les bolides, qui sont des cailloux plus gros et probablement d'une autre nature, résistent parfois à la flambée et arrive jusqu'au sol. Mais jamais encore, personne au monde n'a vu ni tenu dans ses mains la moindre parcelle de cette poussière météorique que voici. Alburtin, comme de juste, voulait en savoir davantage, et pour cela expérimenter. Je le vis méditatif, l'index sur le coin de la bouche, contempler, front plissé, la petite cuillère de granulation noire. Il me fit l'effet d'un malade difficile et méfiant qui examine, avant de se l'administrer, une dose d'un nouveau médicament. « Vous n'allez pas en manger, plaisantai-je. » Le visage d'Albertin se détendit dans un sourire. « Non, pas en manger, mais... après tout, pourquoi pas. Quelques grammes de plus ou de moins, la miss peut bien m'offrir ça. Je vais voir ce que ces poussières météoriques donneront sous les rayons X. » Et sans plus attendre, le cardiologue procéda au montage de son expérience. Il versa la pincée de poussière noire dans une coupelle de porcelaine, mit celle-ci sur un support et la disposa sous l'ampoule à rayons X, grosse comme un ballon de football et portée par un pied articulé. Il tourna des commutateurs, un sélénoïde ronfla, des étincelles crépitèrent, l'ampoule s'illumina. Je regardais, machinalement attentif, comme devant un tour de prestidigitation. « Et alors, demandai-je, c'est tout ?»« C'est tout pour l'instant, je suppose. Ces quelques décigrammes de poussière météorique sont baignés dans un torrent de rayons X où je vais les laisser toute la nuit. Il est plus que probable que cela ne donnera rien. Mais il y a une chance sur 10 000 pour que cela donne quelque chose. Quoi ? Vous m'en demandez trop. Si je le savais, cela n'aurait plus d'intérêt. C'est précisément le plaisir de l'expérimentation, de nous révéler du nouveau ou de l'inattendu. Nous verrons demain. » Je pris congé sans me douter de l'importance énorme, démesurée, que devait avoir par ces résultats la petite expérience d'allure si anodine et insignifiante commençait sous mes yeux. Et pas plus que moi, en exposant ces quelques granulations noires au rayon X de son ampoule, le docteur Tancrède Albertin ne pouvait soupçonner qu'il prît vis-à-vis de la France et du monde une part de responsabilité capitale en déclenchant l'explosion d'une calamité planétaire amorcée par les soins de Miss Lescure, de son père et généralement de tous ceux qui avaient, d'une façon quelconque, de près ou de loin, collaboré au lancement de la fusée MG-17 et l'importation sur Terre de la poudre météorique. Au sortir de chez Albertin, je pris par les petites rues pour gagner directement le port et l'hôtel Cendrillon où je logeais. J'évitais ainsi de passer devant la terrasse de la réserve, où, vu la douceur de la soirée, j'eusse couru le risque de rencontrer les deux Ricourt avec leur bande habituelle de Montparnasse. L'UCGO ne manquerait pas de me demander pourquoi on ne m'avait pas vu au dîner, et je ne tenais pas du tout à fournir des explications à Luce devant ces gens-là. D'ailleurs, ne fût-ce que pour me bien prouver que je suis un homme libre. Il ne faut pas qu'un flirt de plage devienne tyrannique au point d'obliger à rendre compte de toutes ses actions. Un flirt, Luce de Ricourt. Et j'eus un ricanement sarcastique. Ah, mademoiselle Lucie, vous croyez le tenir en servitude, par la grâce de votre beauté de rousse Danaé et ce bon jeune homme de peintre que vous brimez, que vous exploitez, ce tonton que vous tournez sans cesse en bourrique. Mais vous allez voir demain comme il s'occupe encore de vous. Toutes les taquineries de Luce, sa sécheresse de cœur, les incompatibilités qui nous séparent, me reviennent à la fois dans cette promenade solitaire que je fais au bout du môle, sous les étoiles. Et je la déteste, Luce. Je rejette son emprise. Il n'existe plus pour moi qu'une femme au monde. Aurore Lescure, la fille tombée du ciel. Aurore, l'aurore d'une vie nouvelle.